50 languages. 62. 62. 62. طرح وجه أسئلة واحد. Poser des questions. Poser des questions 1. يتعلم. Apprendre. Apprendre. هل يتعلم التلاميذ كثيرا؟ Les élèves apprennent-ils beaucoup? Les élèves apprennent-ils beaucoup? لا, إنهم يتعلمون قليلا. Non, ils apprennent peu. Non, ils apprennent peu. يسأل. Demander. Demander. أتسأل المدرس كثيرا؟ Posez-vous souvent des questions à votre instituteur. Demandez-vous souvent votre instituteur? لا, لا أسأله كثيرا. Non, je ne le demande pas souvent. Non, je ne le demande pas souvent. يجيب. Répondre. Répondre. أجب من فضلك. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. إنني أجيب. Je réponds. Je réponds. يشتغل. Travailler. Travailler. أيشتغل الآن؟ Travaille-t-il en ce moment? Travaille-t-il en ce moment? نعم, إنه يشتغل الآن. Oui, il travaille en ce moment. Oui, il travaille en ce moment. يأتي. Venir. Venir. هل ستأتون؟ Venez-vous? Venez-vous? نعم, سنأتي حالاً. Oui, nous arrivons tout de suite. Oui, nous arrivons tout de suite. يسكن. Habiter. Habiter. أتسكن في برلين؟ Habitez-vous à Berlin? Habitez-vous à Berlin? نعم, إني أسكن في برلين. Oui, j'habite à Berlin. Oui, j'habite à Berlin.